بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد هو باب الجمعة. باب الجمعة. الجمعة c'est le nom qui était donné à ce qui est le jour du vendredi en français. Et الجمعة ça vient du mot jam, du fait que, comme l'a dit Cheikh Al-Faymin, c'est le jour où Allah Azza wa Jal a réuni toutes les choses toutes les choses liées à la création du côté universel du côté légiféré, comme il ne l'a pas fait dans un autre jour. Par exemple, c'est le jour auquel il a fini de créer les cieux et la terre. Et c'est le jour où il a créé Adam, alayhi salam. Et c'est le jour où les gens seront... C'est le jour où l'heure aura lieu. L'heure, as-sa'a, stakum fi yom min ayam al-jumu'ah. Ce sera un vendredi, hein, au fajr. Et c'est le jour également où les gens se réunissent pour cette salat qui est connue, celle de Jumu'ah. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 30 بعد المئة 30 حديث عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أو أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرف الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وولى المنبر ثم ركع فنزل الكهكرة حتى يسجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرع من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم رفع عليها ثم نزل الكهكرة. Donc selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu, que des gens justement discutaient, s'interrogeaient au propos du minbar, ce qu'on appelle le chair. D'accord, minbar, le chair, qui est composé de trois marches en bois sur lesquelles le khatib fait le sermon du jour du Jumu'ah. Donc ils s'interrogeaient à propos du minbar du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De quel bois était-il constitué? Donc ça, il l'a dit, il était constitué de... Il dit... Tarafa al-Ghaba, ce qui équivaut à Asr, s'appelle Asl en arabe, et ce que j'ai trouvé comme traduction, c'est Tamari. J'ai trouvé comme ça Tamari, donc maintenant je ne sais pas si c'est correct ou pas, mais voilà, sinon c'est Asl. Et il dit, j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se tenir sur le minbar et faire le takbir. Et les gens font le takbir derrière lui, alors qu'il est sur le minbar. Ensuite, il s'est incliné. Et ensuite, il est descendu en marchant en reculons, hein, jusqu'à ce qu'il se soit prosterné à la base du minbar, c'est-à-dire sur le sol au début du minbar. Et ensuite, il aura commencé cela, jusqu'à ce qu'il finisse de faire sa salat. Ensuite, il s'est tourné vers les gens et il a dit, « Oh vous les gens, je n'ai fait cela que pour que vous puissiez me suivre et que vous puissiez connaître ma salat. » C'est-à-dire qu'il a enseigné la salat en l'étant sur le minbar. Et dans une version d'un musulman, il dit qu'il a fait la salat sur le minbar et qu'il a fait le takbir sur le minbar et qu'il s'est relevé du ruku alors que c'est le minbar et ensuite il est descendu à reculons. Non, c'est-à-dire qu'il a enseigné aux gens la salat en étant sur le minbar afin que les gens le voient bien. Yaqulu fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ar-Rawi, le rapporteur, c'est Sahl ibn Sa'd ibn Malik al-Ansari. أخذ رجي الساعدي. Donc c'est lui le sahabi. من مشاهير الصحابة. C'est parmi les compagnons qui sont connus. كان اسمه حزن. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. Avant il s'appelait حزن. حزن c'est la tristesse, la difficulté. Et النبي صلى الله عليه وسلم l'a appelé سهل qui veut dire facilité. وكان له حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. وعمر حتى توفي سنة 91 وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة على قول بعض المحدثين. Et qu'il est, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il avait 15 ans. Il a vécu jusqu'à 91 ans. Ou plutôt jusqu'à l'année 91, on va dire plutôt. Afin. Jusqu'à l'an 91 de l'Hégire. Et qu'il est le dernier des compagnons à être mort à Al-Medina. Selon le col de certains gens du hadith. يقول موضوع الحديث, le sujet du hadith, بيان حكم اتخاذ منبر لخطبة الجمعة. Maintenant, c'est le jugement qui se rapporte au fait de prendre un minbar pour la khutba, le sermon du Jumu'ah, du vendredi. يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith. يخبر سهل بن سعد أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءوا يسألونه فأخبرهم بأنه من أصل الغابة. Donc سهل informe que des gens sont venus et discuter, s'interroger à propos du minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont venus pour l'interroger. Et il les a informés que ce minbar était à la base fait à base de asl, comme on l'a expliqué, traduction tamari. C'est un bois de forêt apparemment. Wa qad bayyana lahum qissat salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam awwal ma sana'a annahu qama sallallahu alayhi wa sallam fi a'la darajati al-thalath. وكبر الناس وراءه ثم ركع ورفع من الركوع وهو عليه ثم نزل على قفاه فسجد على الأرض لعدم اتساع الدرجات للسجود ثم عاد بعد سجدتين فصعد على المنبر وفعل في هذه الركعة وفيما بعدها من الركعات كما فعل في الركعة الأولى حتى فرغ من صلاته ولما كان هذا الفعل غير معتاد منه بين للصحابة أنه صنعه للفائدتين وهما الاهتمام به وتعلم كيفية صلاته. Donc il expliquait justement après, Sahel leur expliquait le hadith par rapport à ce minbar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se tenait sur le minbar, qu'il a fait le takbir pour la salat et que les gens font le takbir derrière lui. Ensuite il s'est incliné. Ensuite il s'est relevé. Et alors qu'il est toujours sur le minbar, après il est descendu à reculons du minbar, c'est-à-dire il était en direction de la Qibla, il est descendu sans se retourner, mais en descendant vers l'arrière. Et de là, il est descendu du minbar et s'est prosterné devant le minbar. Car il n'avait pas la place de le faire sur le minbar, sur la marche. Ensuite, après les deux prosternations qu'il a faites, il a recommencé. Il est remonté sur le minbar et il a recommencé la même chose. Et une fois qu'il a fini, il a dit au sahaba pourquoi est-ce qu'il avait fait cela ? Car c'était un acte qui était inhabituel. Donc il voulait comprendre pourquoi avait-il agi de la sorte. Donc il leur a dit cela pour deux raisons. La première, afin qu'ils puissent le suivre dans la salat. Et la deuxième, afin qu'ils puissent apprendre la salat de lui directement. Naam. يقول من فوائد الحديث enseignement utile du hadith مشروعية اتخاذ منبر في المسجد ليخطب عليه qu'il est légiféré de prendre un minbar dans le masjid afin de faire le sermon dessus. Et طيب ثم قال جواز صلاة فوق المنبر ويسجد عليه إن تمكن وإلا فعلى الأرض qu'il est permis de faire la salat sur le minbar et de se prosterner dessus si jamais cela est possible sans quoi le faire sur le sol. Ce qui prouve que le minbar, nous ne sommes pas obligés de faire que la khutba du Jumu'ah dessus. Tu peux même te lever sur le minbar comme cela l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour faire des rappels aux gens, même pour faire un ders, enseigner aux gens en s'enseignant sur le minbar. Cela est permis. Ce n'est pas que pour la khutba du Jumu'ah. يقول ثالثا جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة qu'il est permis de faire certains actes, certains gestes tant que cela n'est pas trop exagéré lors de la salat pour un intérêt car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar faisait salat, il est descendu en reculons ce qui l'a fait bouger. رابعا جواز علو الإمام على المأموم qu'il est permis que l'imam soit sur une partie plus élevée que celui qui préside en salat. خامسا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وتبليغهم الشرع وتبليغها الشرع et que cela montre le soin qu'a porté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner à sa communauté et pour leur retransmettre la législation. Sadisan, inayat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi salati wa ma'rifat al-umma laha. Ce qui montrait le soin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait à la salat, l'importance que donnait à la salat, et pour enseigner cela à la communauté. Sabi'an, idah al-sabab fi majara ala khilaf al-ada liyazul al-ishkal, et qu'il est également, cela montre qu'il faille éclaircir aux gens la cause d'un acte, d'une chose qui est inhabituelle, afin de pouvoir ne pas laisser les gens dans le doute, dans l'interrogation. Tu fais une chose qui n'est pas habituelle. Ce qui est bon, c'est d'éclaircir aux gens pourquoi as-tu fait telle et telle chose, afin qu'ils ne restent pas dans le trouble. Car certains pourraient être amenés à s'interroger et après à spéculer, sortir différentes raisons qui n'ont rien à voir avec ce que tu as voulu faire. Donc la meilleure chose, c'est de leur éclaircir directement. هذا الذي قلنا اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين.